ferme ta gueule. Ne me juge pas, tu me connais même pas. Faut que tu fermes ta gueule. Et ne viens pas chez moi si t'as parlé mal de moi. Mais ferme ta gueule. Ne me critique pas si je fume ou si je bois. Faut que tu fermes ta gueule. Sinon ça fera ta-ta-ta-ta-ta. Mon frère, si je suis ici, c'est que j'ai des choses à démontrer. Les faits savent qui je suis et tout ce que j'ai surmonté. Les jaloux me dénigrent et voudraient me voir en dessous. Je laisse parler les nazis, m'entends, c'est le mur de Berlin. Balance tout dans ma zik, avec moi jamais te minique. Avec les miens, je reste honnête et mon prochain, jamais je le nique. Jamais je mange, jamais je ne nie. Je suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon. Si tu me complimentes, je rougis. Mec, si tu me rends service, je te le rends, c'est ma logique. Si tu me l'as fait à l'envers, désolé, je te nique ta mère. Je suis pas un steak, je suis plutôt stick, mais je peux te faire des trucs magiques. Toi, t'as des becs et t'as du fric, mais ça fait pas de toi un chic type. Depuis je vais tourner mon rap, j'entends mon portable qui bip. J'ai tout un tas de contacts qui me donnent un mal au pif. Ceux qui m'ont traité de pauvre type aujourd'hui, ils me kiffent. Ceux qui m'ont traité de pauvre type aujourd'hui, ils me kiffent. Mais ferme ta gueule. Ne me juge pas, tu me connais même pas. Faut que tu fermes ta gueule. Et ne viens pas chez moi si t'as parlé mal de moi. Mais ferme ta gueule. Ne me critique pas si je fume ou si je bois. Faut que tu fermes ta gueule. Sinon ça fera ta-ta-ta-ta-ta. On met les points sur les i pour tous les putains qui parlent mal. Moi je respecte les vraies femmes, je ne suis pas dans la cam. Je ne suis pas une star, moi j'enregistre dans ma cave. Juge, police ou gendarme, je n'ai jamais fait la poucave. Oui, je mets les points sur les i, sur le grand i des amis. J'enlève le S, je le mets à but, sur le calpute ou dans mon lit. Reste police, t'es pas joli, ferme ta grande gueule. C'est ça, ferme ta grande gueule et ne parle pas de mi. Initiaux et sans rancune, mais jamais inoublie les bâtons dans les roues, tous ceux qui l'ont trahi. J'en ai trop entendu, c'est pour ça que j'ai mis le tri. Et c'est sur toutes les langues de pute que je me mets à tirer. C'est 50 initiaux, ils passent à la tâche. J'en ai encaissé des buts, mais j'ai évité tes tacs. Bourré, j'ai fait des spectacles dans tes ragots, y'en a des tas. Mais ferme ta gueule. Ne me juge pas, tu me connais même pas. Donc tu fermes ta gueule. Et ne viens pas chez moi si t'as parlé mal de moi. Mais ferme ta gueule. Ne me critique pas si je fume ou si je bois. Faut que tu fermes ta gueule. Sinon ça fera ta-ta-ta-ta-ta. Je me parle pas de tasse du passé ou ce qui se passe. La vie m'a fait des crasses, mais c'est moi qui nettoie ses traces. Tu voudrais me juger, mais t'es pas Dieu, donc vas-y trace. Je suis ni con ni débile, mon cerveau est bien en place. Je suis ni violeur ni pédophile, ravale ton venin connasse. Tu pourras tout tenter car rien au monde ne me casse. Si on parle sur son dos, il prendra ça avec classe. Mais je penserai tout haut, ferme ta gueule, sale race. Ferme donc ta gueule, enculé ta race. Garde tes jugements, regarde-toi dans la glace. Aussi ferme ta gueule, petite pétasse. Ne viens pas me sucer, t'auras pas un baiser d'asse. Oh, tu langue de putain, je fais tous les baratins. Ici j'ai laissé ma trace, je me lève et je trace. Oh, tu langue de putain, je fais tous les baratins. Ici j'ai laissé ma trace, je me lève et je trace. Mais ferme ta gueule. Ne me juge pas, tu me connais même pas. Faut que tu fermes ta gueule. Et ne viens pas chez moi si t'as parlé mal de moi. Mais ferme ta gueule. Ne me critique pas si je fume ou si je bois. Faut que tu fermes ta gueule. Sinon ça fera ta-ta-ta-ta-ta. Pisser sur la gueule. Et ensuite je vais te péter dans la bouche, ouais. Et puis je vais chier sur les murs. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Initiaux, ne ferme pas la scène, la scène.